ce soir encore, il s'en est fallu d'un rien pour que je cesse de combattre. Pour toi, combien écrirai-je de refrains qui chanteront les feux de mon âtre, comme des perles de passion, d'ivoire, de nacre ou de charbon rassemblés par un fil de pêche, d'or, de mercure et d'intention. Je t'écris en rouge. Le chapelet de nos vies au sablier nous ramène, tombent les grains du temps présent. Troublé, opaque ou clairvoyant, les airs se succèdent et le soleil nous brûle, nous brille, nous réchauffe. Quand revient le printemps et la folie de mai qui colore le spectre de toutes ses nuances, je t'écris en rouge. Je t'écris en rouge. Notre envie est en nous, elle culmine aux extrêmes. Tous tes désirs m'excitent, ils respirent en moi, exagèrent mon émoi et achèvent ma peine. Tu signes en